Chapitre 1. Ventre creux n'a pas d'oreille. Ron ! La voix d'Hermione lui parut faible, trop faible pour qu'il se retourne. De toute façon, son sang battait trop fort dans ses oreilles. Ses jambes faisaient de trop longues enjambées et son estomac avait trop faim. Il n'allait pas faire demi-tour, non. Pour retrouver la tente humide et parfumée à la pisse de chat ? Pour voir Harry perdre son temps et le leur dans une quête fantomatique ? Pour vérifier que le ragoût de champignons d'Hermione était aussi inconsistant que les autres fois ? Jamais. Rien que d'y penser, il avait encore accéléré. Ce n'était pas seulement raisonnable de partir. C'était une question de survie. Son corps semblait le lui crier par chacun de ses organes et de ses muscles. La neige crissait sous ses pas. Les branches craquaient, mais il en avait cure. Il allait arrêter tout ça. La faim, la fuite, le silence, se cacher. C'était fini. Fini. Il ne savait pas comment Hermione, si intelligente, se leurrait encore. Enfin, il préférait ne pas trop y réfléchir. Il était toujours terriblement agaçant de se rappeler combien les sorcières qui les entouraient, sa propre mère, sa propre sœur, sa propre petite amie, pour commencer, semblaient disposer de patience, de compréhension et d'indulgence dès qu'il s'agissait d'Harry. Ce n'était pas de la jalousie, non, c'était de l'incompréhension profonde. À quel charme mystérieux succombaient-elles toutes ? Harry ne faisait même aucun effort pour cela, mais semblait l'accepter comme une chose due. Incompréhensible, injuste et dangereux. Voilà ce que Ron pensait. Ce n'était pas seul, à eux trois, sans information, sans aide, sans plan, qu'ils arriveraient à quoi que ce soit. Ron en était maintenant intimement convaincu. Des semaines maintenant qu'il retournait cette idée dans sa tête. Dumbledore était mort trop tôt, sans doute, ou Harry n'avait pas posé les bonnes questions. Il pouvait être tellement distrait parfois. Il se laissait aller à ses obsessions. Le sacrifice de ses parents, les images que lui envoyait Voldemort, Ron trouvait l'idée simplement monstrueuse et perdait le contact avec la réalité. 2 ans plus tôt, le même processus les avait menés droit dans le piège de vous savez qui au ministère. Et Harry ne semblait rien en avoir appris. Il continuait d'agir en suivant son instinct, sans jamais réfléchir aux conséquences. Ils avaient trouvé un horcrux, soit, mais à quel prix ? Ron frissonnait rien que de penser à cet homme simple, déjà aux prises avec le ministère, qu'il avait incarné. Il avait failli détruire ce qui lui restait. Il jouait aux apprentis sorciers, rien de moins. Ils avaient 17 ans maintenant. Par Merlin, ils étaient responsables. C'était leur vie même qu'ils mettaient en jeu, voire celle d'autres. La frustration de Ron sur l'apparente indifférence de Harry sur la question était immense. Jamais ils auraient dû se taire. Taire quoi, en fin de compte ? Comme si Dumbledore avait partagé tant d'informations avec eux. Honnêtement, qu'est-ce que ça aurait changé ? Jamais ils n'auraient dû refuser l'aide de l'ordre. Harry avait eu raison de penser que Lupin devait d'abord s'occuper de son bébé, mais l'ordre ne s'arrêtait pas à Lupin. L'un d'eux, peut-être, aurait trouvé un sens aux bribes de pistes dont il disposait. Est-ce que l'ordre n'aurait pas pu bien plus facilement qu'eux subtiliser son pendentif à Ombrage ? Est-ce qu'à eux tous, ils n'auraient pas eu au moins une idée de la manière de le détruire ? Ron secoua la tête, comme s'il avait encore en face de lui Harry ou Hermione, et qu'il lui avait encore une fois rétorqué un de leurs arguments éculés. Dumbledore avait confié la mission à Harry. Vraiment, sans plus de moyens de l'accomplir. Autant dire qu'il ne souhaitait pas qu'il réussisse. Dumbledore lui avait conseillé de se confier à ses proches amis. Génial. 2 incompétents de plus en danger. Décidément. Non. Harry ne se rendait décidément pas compte de la réalité, décida Ron, avec un mélange de haine et de tristesse. C'était la guerre. Ils étaient devenus adultes et ils s'opposaient au plus puissant mage noir que l'histoire ait répertorié. Ils ne pouvaient plus se contenter d'improviser sous une cape d'invisibilité. La colère du professeur McGonagall n'était plus le seul risque qu'il courait. Le stupéfix qui l'avait cueilli à sa sortie de la forêt en était définitivement la preuve. La guerre l'avait une nouvelle fois rattrapé. Et ce n'était pas joli à voir. L'ennemi, c'était une bande de 5 sorcières ratées qui bavaient à l'idée d'une pauvre récompense du ministère. Ils bavaient tellement qu'ils ne cessaient de s'accuser les uns les autres de vouloir profiter de la situation au détriment des autres. Ton nom, petit ?